Je danse seul dans mon salon. Je roule des pelles à des cuillères. Personne n'a les bras assez longs pour venir me chercher en enfer. J'ai pas réussi à te haïr, pas faute d'avoir tenté de te maudire. Tu m'en veux et ton regard bousillé me fait regretter de respirer. Je regarde même plus l'horizon, y'a rien derrière les barreaux de ma prison. Tu sais que tu as la clé, mais tu ne viendras pas me libérer. J'aimerais tellement que tu me pardonnes, que des fois je crache des sanglots saxophones. Je sais que tu ne changeras pas d'avis, un cœur brisé n'a plus d'appétit. Et c'est